La lune dans un vieux seau. Le Satori, l'éveil à la conscience du Bouddha, l'illumination selon les doctrines du Zen, surgit à l'occasion d'un événement impromptu, d'un hasard, d'une chance, dans les esprits préparés à l'accueillir. Comme le voleur dans la maison vide, l'âme débarrassée de son ego. Une nonne étudiait le zen jour après jour depuis 33 ans. Elle était entrée au monastère en qualité de jeune novice à 17 ans. Elle en avait 50 maintenant. Sa vie de fertilité était achevée. Elle n'en gardait pas d'amertume. Elle vaquait aux occupations quotidiennes avec patience et l'humeur égale. Elle préparait le riz ou l'orge grillée. Elle allait matin et soir chercher de l'eau au puits, distant d'une centaine de mètres. Parfois, un nuage de mélancolie la visitait. Elle le chassait. Elle pratiquait zazen avec régularité. Elle méditait. Elle étudiait les écrits des grands maîtres du passé. Mais elle n'avait jamais connu le Satori. La paix inimaginable qui inonde brusquement l'âme étonnée. Le rire. Le grand rire de l'éveil. Un soir, elle revenait du puits et la nuit tombait. Elle observait sans y penser le reflet de la lune dans l'eau du seau. C'était un vieux seau dont elle avait réparé le fond avec du bambou tressé. Brusquement, il céda. L'eau s'échappa et la lune disparut aussitôt avec l'eau du vieux seau. À cet instant précis, elle connut le Satori. Elle fut libre.